Information des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on va commencer avec une formation italienne qui nous a visités à plusieurs reprises. J'ai eu le plaisir de présenter, mon Dieu, pas loin d'une dizaine de concerts de ce groupe à Québec, The Watch. Et c'est l'album The Art of Bleeding qui doit paraître en septembre, 8e album studio pour cette formation italienne de Milan. On aura par la suite une nouveauté allemande, Feeling of Presence. L'album a pour titre Of Lost Illusion. En fait, c'est le projet un peu plus personnel de Andreas Ack de Frequency Drift. Il tient la plupart des instruments et un peu d'aide de la claviériste de Frequency Drift, Nerissa Schwartz. Après ça, ben, on fait un tour du côté du Royaume-Uni avec Castagnac. Mon Dieu, peut-être ça va rappeler quelque chose à des amateurs de prog des années 80. Le groupe avait présenté un premier album en 1984 et son quatrième et jusqu'à maintenant dernier album, c'était Little Gods, paru en 1989. 32 ans plus tard, le groupe effectue un retour avec The Sea of Broken Vows. Et puis, on aura aussi Christopher Gildenlow, qui a, dans une autre vie, a été bassiste de Pain of Salvation, je dirais du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. C'est son quatrième disque solo, Let Me Be a Ghost. Et puis, on va conclure cette première demi-heure avec Black Smith Tales, un album italien que j'apprécie beaucoup, je m'en cache pas, The Dark Presence. Donc, je pense que c'est le troisième extrait qu'on présente de cet album. Et on y va avec The Watch, The Art of Bleeding, la pièce Red. Darkness, blackness, I'm so blind. Try to spot some shapes. Probing fingers on the wall. I should know this room. Sticky flooring doesn't help at all. I'm about to fall. Across going on. We'll be right back. through the storm clouds. Can you sense it smash the defenses of your walls of doubt? Can you see the writings on the wall? The seven trumpets callers, can you hear it? Can you feel the shaking of the world? The waking of the earth, oh, can you feel it? Ice of winter starting to splinter in the sunshine. Hands that bind us, rule and divide us, we start to under clouds with my wonder in these dark skies. Let the fire fuel their desire in the heat and blaze. Can you feel

CKRL. Communication. Communication. Culture. Culture. Culture. Culture. Culture. Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On va débuter ce nouveau bloc musical avec une nouveauté qui nous arrive du Royaume-Uni. Il s'agit du groupe Fragile. Je pense que ça vous donne un indice. Ce groupe œuvre depuis 20 ans comme groupe hommage à Yes. Et ils ont même mené une tournée avec Steve Harr en 2005-2006. Formation britannique, donc, qui se spécialise dans les spectacles hommages, mais qui présente de temps à autre du matériel original. En mai 2020, c'est-à-dire l'année dernière, le groupe a présenté Golden Fragments. Et là, il nous arrive en août avec Beyond, un groupe qui compte dans ses rangs la chanteuse Claire Hamill. Je sais pas si les vieux tripeux vont peut-être se rappeler du concert de Jethro Tull en 72 à Québec. C'était Claire Hamill qui assurait la première partie de ce concert. La chanteuse a 12 albums sous son nom. Et puis, ben, comme vous pouvez l'imaginer, c'est du matériel original, mais on sent très bien l'influence de Yes en arrière. Un excellent album, par contre, je dois dire. C'est pas parce que ça sonne Yes que c'est... Donc, l'album au portrait de Beyond. On va écouter un extrait d'un album de 3 pièces. Ce sera suivi d'un Canadien de la Colombie-Britannique, Josh Rudiger, qui nous arrive avec un second album, Oneronaut 2. Et puis, on poursuivra avec Inner Project Canvas 2, le projet de Alessandro Di Benedetti, le claviériste italien qui fait partie de Matt Crayon, un grand complice aussi de Samurai of Prague, un collaborateur qui signe plusieurs pièces et joue sur plusieurs albums de Samurai of Prague. C'est son 11e album sous le nom de Inner Prospect. Et sans plus tarder, on y va nous avec Fragile, un extrait de leur nouvel album Beyond. somewhere on a sandbank, there's a dark man, and he's holding a bright golden ring. Then suddenly, without warning, he throws it out into the sea. I didn't see it lying, but found it lying on the sand the morning after. It was light, but it was heavy, and it made a peculiar sound, like angels singing together. It was square and yet perfectly round. I couldn't understand what I was holding in my hand, but I was curious. Dogs howled and the trees broke and the wind was so loud in my ears. There was lightning, something's happening. A strange looking man then appeared. I think you have something for me, he said, just take it, leave me be, I said. So I ran back to the sand. There was someone I could tell, but the dark man with the strange eyes was shouting his fear in my ear. And suddenly from the east in came the orange beast. Thank you.

CKRL 89.1. Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour notre troisième bloc musical, on va donner le coup d'envoi avec une formation norvégienne que j'aime beaucoup. 35 Tapes. Je pense que on a tous hâte aussi des voix dans le cadre du festival. Mais en attendant, le groupe a entrepris l'enregistrement d'un nouvel album, le troisième, et cette fois-ci, il espère bien venir nous le présenter en mai 2022. C'est ce qu'il était supposé faire en mai 2021. Nous présenter leur second album Home. Croisons donc les doigts pour ce troisième album. Et puis on aura aussi, ça nous vient d'Allemagne, Jacobs. En fait, Jacobs, c'est le projet personnel de Ulf Jacobs, un batteur allemand, un batteur qui joue dans plusieurs groupes, qui fait partie de plusieurs groupes en Allemagne. Mais il y en a un qui est plus connu que les autres auprès des amateurs de rock progressif. Je parle de Argos. Donc, batteur, mais aussi multi-instrumentiste. Et il présentait à la fin de 2020 un sixième album solo intitulé Beautiful. Et pour la plupart de ses albums, on peut dire qu'il fait à peu près tout. Mais pour ses deux plus récents, c'est-à-dire Clouds, paru en 2012, et Beautiful en 2020. Il y a aussi la complicité du bassiste de Argos, son coéquipier, le Thomas Klarman. On écoute donc un extrait de cet album, le sixième album de Jacob. C'est ce qu'on aura tout de suite après 35 Tapes, dont on va écouter la pièce Walk de leur second album Home. Thank you.

shadows grow, they grow way too far, and sunrise lights could tell tales from the dwarf in the jar. Thank you.

CKRL, communication, culture. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22h, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. On va entamer cette demi-heure avec un retour au début des années 90, une période, je vais le dire, je suis un peu nostalgique de cette période où est-ce qu'on faisait plein de découvertes. On découvrait quasiment un groupe par semaine à l'époque. Et j'en ai retenu ce soir deux Américains. Le tout premier, Discipline. J'évoque le nom et puis je pense que comme plusieurs, ça a été vraiment un délice de découvrir leur album Push and Profit, qu'à l'époque on pensait que c'était leur premier disque, paru en 1994. Mais en fait, le groupe avait lancé un album en 1988, sous le titre de Chaos Out of Order, paru uniquement en cassette et réédité en 2013. Et puis, ce sera suivi d'une de mes formations favorites de l'époque, et Colline, de leur tout premier album, paru en 1991. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, plusieurs ont dû être au d'Auteuil à l'époque, à Québec. La première visite hors États-Unis pour le groupe. Et bien, on y va avec Discipline, un extrait de Push and Profit, la pièce Camilla. Spins Camilla. Yeah. just thinking as usual in my own living color of the glass that pierced her heart, of the mirror in her eye, with my own vivid clarity and a touch of distortion. I saw love thrown out the window, I saw shade close in her eye, and I saw frost my heart. Crystal blue is my hell. The absence of her eyes leaves the season standing still. I'm still the punchline. sunset, the other walks alone. Forever Tuesday, all remains the same. And I said to you now, like I said to you then, a kiss would say it all. Forever, all those days of vision have all gone. And I have to hold your hand. I've just got to hold your hand. Hold your hand. Hold my heart. Forever. Ce soir, ben, je vais vous laisser avec, encore dans les années 90, avec Jenison Edge, un extrait de l'album The Services of Mary Good, un disque paru en 1998. Le groupe était formé de musiciens provenant de plusieurs groupes néo-prog britanniques, des membres de Landmark, de Shadowland, de Credo et de Arena. Donc, une formation éphémère. Et puis, un seul album studio et un live, un acoustic session paru en 1999. Mais pour les amateurs du style, une belle découverte à faire, de Services of Mary Good par Jenison Edge. Eh bien, c'est le temps de vous laisser. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute qui suit dans quelques instants. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Et bonne nuit à l'écoute de CKRL.